Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Nous sommes peut-être à l'aube d'une révolution, celle que plusieurs appellent la deuxième révolution quantique. Elle s'appuie bien sûr sur des connaissances en mécanique quantique et notamment sur l'intrication quantique et débouche sur des applications comme l'information quantique ou la cryptographie quantique. Alors, il y a beaucoup de quantique dans ce que je viens de dire et le mot quantique résonne souvent comme quelque chose de compliqué et d'incompréhensible pour qui n'a pas fait des études en physique. C'est donc un défi que je me suis donné à moi-même, mais aussi à mon invité du jour de vulgariser ces concepts. Et mon invité est Bora Ung, professeur au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure à Montréal. Bonjour Bora. Bonjour Madame Levé. Bonjour Valérie. Vous acceptez ce défi de nous aider à comprendre l'intrication quantique et ses applications? Oui, donc c'est un beau défi, même pour moi. J'ai une formation en génie physique de l'Université Laval et de Polytechnique Montréal, et mon domaine d'expertise est principalement dans la conception de fibres optiques et dispositifs photoniques. Mais dans la dernière année, mon groupe de recherche s'est penché sur ce sujet passionnant des applications, surtout de l'optique quantique, qui est porteur d'avenir. Mm-hmm. Alors, pour mettre la table, on va d'abord commencer par définir ce que c'est que ces états quantiques et qu'est-ce que ça veut dire la superposition des états quantiques. Et ensuite, on va dérouler, donc au fur et à mesure de notre discussion, comment on arrive à toutes ces applications de l'intrication quantique. Donc, les états quantiques, qu'est-ce que c'est? Oui, donc lorsqu'on observe la nature dans le monde de l'infiniment petit, donc soit à l'échelle des atomes et subatomiques, les interactions sont régies par les lois de la mécanique quantique. Donc, à ce niveau fondamental de la matière, certaines propriétés des particules peuvent être représentées par des états quantiques. Donc, par exemple, la lumière, qui est composée de particules élémentaires qu'on appelle des photons, possède différents états de polarisation de son champ électrique. Et donc, ces états de polarisation du champ électrique peuvent être représentés par des états quantiques. C'est un état quantique. Et donc, par exemple, on peut avoir un état de polarisation du photon qui peut être soit horizontal ou vertical. Donc, je prends ici le photon comme exemple, mais c'est un exemple qui peut... on peut utiliser d'autres particules comme, par exemple, des électrons ou même il y a des atomes qui peuvent dont les états peuvent être utilisés pour représenter des états quantiques. Donc, on peut utiliser l'état de polarisation des photons lumineux pour transporter un état quantique d'information binaire qu'on appelle un qubit, donc Q-U-B-I-T, pour désigner un bit quantique et qui, comme le bit classique d'information, peut avoir deux états distincts, soit le 0 ou le 1. Par contre, une particularité de la mécanique quantique, c'est qu'on peut représenter un état quantique comme étant une superposition linéaire de ces sous-états. D'accord. Donc, ça veut dire quoi, ça, cette superposition linéaire? Donc, du 1 et du 2, qu'est-ce que ça veut dire? Du 0 ou du 1, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc dans le cas présent, le 0 et le 1, les états quantiques 0 et 1 forment une base orthogonale, donc ce qui veut dire qu'on peut décrire d'autres états en utilisant ces sous-états de la base orthogonale. Ce qui veut dire que l'état, on peut décrire un état du photon comme étant à quelque part entre 0 et 1. Okay? Et Et cet état, donc, qui est en fluctuation, hein, qui est indéterminé. D'accord. Donc, reste indéterminé aussi longtemps qu'on n'a pas fait une mesure pour établir l'état du photon en question. Mm. Donc, l'action de mesurer l'état de polarisation d'un photon, donc avec un photodétecteur, par exemple, ou en appliquant un élément optique tel un polariseur, eh bien, ça oblige le photon en question à se figer sur l'un des deux états possibles, soit le 0 ou le 1, qui représente la polarisation, par exemple, horizontale et verticale. D'accord. Donc, ça, c'est pour un photon qui est donc dans un état un peu, superposé tant qu'on ne l'a pas encore observé. Il est quelque part entre le 0 et le 1. Quand on l'observe, il va prendre une de ses valeurs. Là, ça détermine en quelque sorte son état. Exactement. Et parfois, on entend dire qu'un qubit, ça représente les états 0, 1, ainsi que 0 et 1 en même temps, mais il serait plus exact de dire que l'état du qubit est indéterminé et fluctue entre 0 et 1 aussi longtemps qu'il n'est pas perturbé. Ouais, d'accord. Donc, mais au final, il doit prendre un de ces deux états. D'accord. Et ensuite, donc, partant de là, qu'est-ce qu'on appelle l'intrication quantique? Et donc, l'intrication de particules quantiques, comme par exemple l'intrication de photons, ouais, et le fait que l'état quantique d'une particule ne peut pas être décrit indépendamment de l'état de l'autre particule jumelle. Mm-hmm. Donc, si on a deux photons intriqués, ou qu'on appelle parfois deux photons corrélés, l'état de l'un est intimement relié à l'état quantique de l'autre. Et donc, ces deux photons partagent des propriétés corrélées par la mécanique quantique, et ce, peu importe la distance qui les sépare. Ah, ça c'est quand même assez surprenant. Oui, absolument, parce que on va le voir, ça peut amener à une apparence de téléportation. Le fait d'avoir cette espèce de partage d'informations de manière instantanée. On va voir que c'est instantané, peu importe la distance qui les sépare. Ouais, donc ça veut dire que si on regarde un photon quelque part, on va l'observer et on va voir son état. Et le photon jumeau, le photon corrélé, même s'il est à des kilomètres, il va avoir le même état. Comme s'il s'était parlé. Donc, soit il a le même état, ou soit il a l'état inverse, l'état complémentaire. OK. Donc, les deux situations peuvent survenir, dépendamment de, en pratique, du système physique qui les génère, ces deux photons. Mais je vais en décrire un, donner un exemple. Donc, il est possible de générer des photons corrélés en envoyant un photon incident sur un cristal optique non linéaire, qui est essentiellement un composant optique qui est semi-transparent. Et lorsqu'on envoie un photon sur ce cristal, eh bien, à la sortie, on obtient deux photons avec des énergies inférieures et qui continuent leur trajectoire selon des chemins séparés. Mm-hmm. Un des photons possède un état de polarisation horizontale, alors que son jumeau est dans un état de polarisation orthogonale, c'est-à-dire qui est complémentaire et qui va être donc vertical. Mm-hmm. On a donc deux photons corrélés, l'un est polarisé horizontal et l'autre vertical. Mm-hmm. Et donc, on dit que ces photons sont intriqués, ou c'est-à-dire qu'ils sont corrélés, parce que leurs états de polarisation sont intimement corrélés, sont toujours à l'inverse. Si l'un est vertical, l'autre est nécessairement horizontal. Puis, ils dépendent l'un de l'autre, finalement, ils sont liés. Alors que si on regarde un photon au hasard, on ne sait pas quel va être, dans quel état on va le regarder. Si on en prend un autre quelconque, ça va être indéterminé aussi. Mais là, le fait qu'ils soient corrélés, l'état des deux photons dépend de l'un de l'autre. Absolument, c'est bien résumé. Donc, l'état quantique de polarisation d'un photon reste indéterminé aussi longtemps qu'on le mesure. Donc, comme vous l'avez mentionné, son état, lorsqu'on le prend séparément, ce photon, son état est indéterminé. Et dès qu'on le mesure et qu'on détermine que sa polarisation, par exemple, est horizontale, alors on sait instantanément que l'état du photon B, le deuxième photon, possède la polarisation complémentaire, qui est dans ce cas-ci, dans cet exemple, verticale. Mais ça paraît quand même un petit peu étrange de parler de photons en termes d'unité, parce qu'on a l'impression que bon, les photons, c'est la lumière. On a du mal à imaginer comment on peut produire un photon, deux photons. Est-ce qu'on arrive vraiment à voir des photons comme ça de manière unitaire? Oui, donc c'est tout un défi. C'est effectivement quelque chose de pas facile. Parce qu'un photon unitaire, pour isoler un photon, lorsqu'on fait le calcul des énergies, elles sont très, très faibles. Donc, ça prend premièrement des détecteurs, des photodétecteurs qui ont une sensibilité extrêmement élevée. Et donc, souvent, il faut, cette sensibilité fait en sorte qu'ils sont sensibles aussi au bruit ambiant, au bruit thermique. Ouais. Et donc, il faut souvent les refroidir de façon active. Mais il existe quand même, depuis quelques années, donc c'est assez récemment, là, la technologie s'est améliorée, des photodétecteurs qui permettent, qui ne nécessitent pas de refroidissement actif et qui permettent de détecter des photons uniques. Ouais, et il y a le même défi du côté de la source. C'est ça. Comment on produit un photon unique? Parce que quand on regarde une lumière, il n'y a pas un seul photon qui sort de la lumière. Donc, comment on fait pour produire un photon unique? Oui, donc ça, c'est un sujet, disons, pointu. Mais comme je le mentionnais, typiquement, on va utiliser un matériau, un cristal non linéaire pour générer ces photons uniques. Et c'est un processus qui n'est pas très efficace. Donc, c'est même pas 1% des photons incidents sur ce cristal non linéaire qui en ressort. Et il y a un processus aussi où il faut filtrer, s'assurer que ce qui ressort, c'est bien des photons corrélés. Donc, ils ne sont pas tous corrélés. Certains d'entre eux sont générés. Dû au bruit ambiant ou par le hasard. Donc, il n'a pas de jumeaux. Donc, il y a juste une fraction, un certain pourcentage de ces photons générés à la sortie qui sont corrélés. D'accord. Donc, ça sent quand même une technologie assez pointue. Et maintenant, donc, comment cette propriété de l'intrication quantique apporte des nouvelles possibilités dans le domaine des technologies de l'informatique? Oui, j'aimerais peut-être parler avant des technologies, hein, des applications, de l'historique. Ouais. Parce que c'est intéressant. C'est trois scientifiques qui ont amené ce concept d'intrication quantique, qui l'ont mis à jour. C'est les scientifiques Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen qui ont, dans un article publié en 1935, énoncé de manière purement théorique le phénomène d'intrication de deux particules quantiques. Donc, ils ont soulevé sous la forme d'un paradoxe, hein, que maintenant on appelle un paradoxe EPR avec les lettres des trois auteurs. Donc, ils ont démontré que l'intrication quantique, qui à l'époque, on ne savait pas que ça pouvait par la mécanique quantique, représente un paradoxe irréaliste. Parce que il y a un transport apparent d'informations de manière instantanée entre deux particules à des distances arbitrairement éloigné. Donc, c'est ce qui s'apparente à de la téléportation et qui entre en conflit avec la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein avait énoncée une trentaine d'années auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un inconfort. Pourquoi ça rentre en contradiction? À cause de la limite de la vitesse de la lumière? Exactement, oui. Donc, si l'information se rend plus vite que la lumière, si le photon jumeau est trop loin, l'information devrait aller éventuellement plus vite que la lumière pour se rendre. Exactement, c'est ça. C'est cette incongruité, mais c'est disons que c'est au niveau de l'interprétation de la mécanique quantique ici où il y a un problème, ou disons qu'il y a des questions à se soulever et laquelle Albert Einstein et ses collègues ont soulevé. Il n'y a peut-être pas nécessairement un phénomène de transport d'informations qui dépasse la vitesse de la lumière, c'est peut-être juste au niveau de l'interprétation des phénomènes ici qui reste encore aujourd'hui être peut-être avoir des éclaircissements. Mm-hmm. Et donc, pour résumer un peu là, la pensée d'Albert Einstein, donc une phrase qui lui est attribuée et décrire la situation est « action fantôme à distance », traduction libre de « spooky action at a distance ». Et donc, les auteurs de dire que le phénomène d'intrication quantique est la preuve que la mécanique quantique, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Oui, et donc ces auteurs-là n'avaient probablement pas prévu qu'ils allaient créer un nouveau domaine de recherche sur l'intrication quantique avec leur article. Et finalement, ce paradoxe-là a été résolu? Eh bien, au niveau de l'interprétation de l'intrication quantique, le paradoxe n'est pas encore résolu, mais ce qui est clair, c'est que la réalité de ce phénomène existe bel et bien. Oui, parce qu'il a été observé. Exactement, il a été observé et c'est grâce à un développement important du scientifique irlandais John Bell qui, en 1964, a publié un article qui a présenté une approche expérimentale pour vérifier si le phénomène d'intrication quantique respecte soit le principe de localité là, qui est enchâssé dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, ou si il répond tout simplement aux lois de la mécanique quantique. Et donc, avant cet article de Bell, c'était uniquement des approches théoriques. Et donc, grâce à cet article, on a une façon de faire des mesures, d'observer et de vérifier si l'intrication quantique existe bel et bien et répond aux lois de la mécanique quantique. Et donc, cette approche, okay, je vais la résumer bien grossièrement là, du théorème de Bell, c'est si on assume une source de photons corrélés, okay, encore une fois générée par un cristal non linéaire, de sorte qu'on a deux photons corrélés avec des états de polarisation orthogonaux, donc c'est-à-dire que l'un est horizontal et l'autre est vertical. Donc, si on envoie ensuite ces photons dans des trajectoires différentes, au bout duquel on mesure leur état de polarisation avec des détecteurs dont l'axe de détection peut être orienté selon trois angles différents. Donc, si par exemple j'ai un photon qui est polarisé horizontal, il faut que mon détecteur soit lui aussi orienté selon l'axe horizontal pour avoir une détection. Okay, avec une probabilité de 100%. Et si, par exemple, je place mon détecteur selon une direction diagonale, donc à 45 degrés, donc il a en principe 50% de chance de détecter le photon qui est lui, polarisé soit horizontal ou vertical. Okay? Donc, dans cette expérience du test de Bell, donc si on oriente les deux détecteurs de manière aléatoire selon les trois angles possibles, donc horizontal, vertical et diagonal, durant les mesures de détection où on envoie des photons uniques et corrélés, eh bien, le principe de localité prescrit une borne statistique supérieure, dans ce cas-ci qui va être de 66,6%, c'est-à-dire les deux tiers du temps, pour lequel les deux détecteurs vont donner le même résultat. Et donc, cette borne se nomme l'inégalité de Bell. Et elle permet de conclure que si on viole cette inégalité, comme par exemple si on mesure un résultat identique au niveau des deux détecteurs, disons à 70 % du temps, donc au-dessus de cette borne, eh bien, on vient de démontrer que les particules en jeu sont bien et bien corrélées et répondent aux lois de la mécanique quantique. Mais ça, c'était encore une expérience. Est-ce que l'expérience a été faite pour le démontrer? Oui, donc elle a été réalisée. Des égalités sur des équations sur papier, mais il faut encore le démontrer. Et puis à l'époque, est-ce qu'on avait la possibilité de produire des photons? Oui, c'est une très bonne question. Donc à l'époque de Bell, la première démonstration utilisait des électrons corrélés. Et par la suite, les avancées techniques ont permis d'utiliser des photons corrélés. Donc il y a eu les détecteurs et les sources de photons corrélés qui sont apparus peu de temps après. Okay. Et donc, une de ces démonstrations expérimentales de la violation de l'inégalité de Bell a été réalisée par le scientifique français Alain Aspect en 1982. Mm-hmm. Et il y en avait d'autres au préalable, mais et à chaque fois qu'on réalise ces démonstrations, on démontre avec encore plus de confiance que les lois de la mécanique quantique fonctionnent bel et bien et qu'il y a intrication de particules. Donc, avec ces expériences, l'intrication quantique a été réellement observée et par la suite sont venues donc des applications dans les domaines de l'informatique. Donc, on n'a pas tout à fait le temps de détailler ça aujourd'hui. Je pense que ça va être pour un deuxième épisode, mais vous allez revenir à l'émission, n'est-ce pas, Monsieur Boraung? Oui, absolument, avec plaisir. Voilà, alors merci en tout cas pour ces explications, pour nous avoir permis de découvrir, de démystifier un petit peu ce que sont ces états quantiques et leur intrication. Je rappelle que nous étions en compagnie de Boraung, professeur au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure de Montréal. C'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine et donc très probablement pour démystifier les applications de l'intrication quantique. Mais pour le moment, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de CKRL 89.1. Mm-hmm. chevilles, il fallait que tu tombes. Nous, on s'inquiète, nous, on t'aime bien. Et là, ça fait.